La mort d'une adolescente, un pervers à moustache, un paradis en 3D. Cette semaine, on a maté Lovely Bones et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Lovely Bones de Peter Jackson. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Greg, salut Greg. Salut. Et enfin la délicieuse et charmante Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Lovely Bones de Peter Jackson, sorti en 2010 de 135 minutes, avec Sarah Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Stanley Tucci et Suzanne Sarandon. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Hé, maman, regarde-moi. Souris. Mon nom, c'est Salmon. Saumon, comme le poisson. Vas-y, matelot, tire la ficelle. Prénom, Suzy. À plus tard. Au revoir, Suzy. J'avais 14 ans. Quand j'ai été assassinée. Le 6 décembre 1973. Nous ne l'avons pas trouvé, Madame Salmon. Je suis vraiment désolé. Papa, elle est morte, c'est ça? Elle te manque. Si elle était encore là. Suzy est entre le ciel et la terre. Je n'étais pas partie. J'étais vivante, dans mon paradis. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le paradis. Accrochez-vous pour un voyage de 2h15. C'est pas le paradis, c'est l'enfer. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je vais commencer par Greg. Non, c'était vraiment, vraiment dur. Hein. Ce truc-là a été adapté d'un film, en fait, d'un livre. Et je sais pas qui a écrit ça, mais enfin, je pense que c'est le même qui a écrit Twilight ou un truc comme ça. Enfin, c'est insupportable, quoi. Ça dure 2 putains d'heures. Ça n'a aucun sens. L'autre, elle est au paradis. Enfin, c'était vraiment dur, dur, dur, quoi. Bah déjà, rien qu'en écoutant la bande-annonce, t'étais saoulé, quoi. T'as... Ouais, bah c'est clair. Mickaël. Bah moi, j'ai pas eu besoin d'aller à la bibliothèque puisque j'ai simplement allumé M6. C'est un après-midi. Je suis tombé dessus. C'est vraiment téléfilm M6. Mais Peter Jackson est très content d'ailleurs quand on lui fait ça. Quand on lui fait cette petite remarque, disons, ton film est super bien. On dirait vraiment un truc de M6. Hein. Un téléfilm. M6, la chaîne française. Ah yes, merci. Et non, toi, vraiment l'enfer. Ouais, ouais. T'as bien non aimé. Mais je rajoute juste que c'est de la merde. Barbara. Bah alors moi j'ai compris une chose en regardant ce film, parce que du coup j'ai un peu regardé en accéléré et j'ai compris Greg. C'est pour ça qu'il trouve tous les films merdiques en accéléré. Ouais, déjà, mais celui-là même tu le regardes même au ralenti, c'est nul aussi. Hein. Mais c'est enfin, au final c'était un peu joli et tout. Au début je me dis bon, on va pas passer un si mauvais moment. On manquerait plus que ce soit moche. Et moi je trouve ça un peu moche. Non, en plus c'est moche. c'est vrai que ça fait très téléfilm. Mais M6, mais ouais, enfin, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vais mettre quand même mon petit grain de sel. T'as bien aimé? C'est vraiment un film de merde. C'est, non, mais ça a tous adoré. Non, mais ça a tous les ingrédients du film de merde. C'est super lent. L'histoire, ouais. Elle est, mais. Putain, mais peut-être qu'elle tient. En fait, elle doit tenir en bouquin parce qu'au bout d'un moment, tu dois tourner les pages sans vraiment rendre compte de ce qui se passe. Tu te dis, ouais, ça doit peut-être marcher, je comprends pas trop son monde, mais ça va. Mais une fois que t'as une image, tu vois que ça marche pas. Son espèce de faux monde où elle joue avec une gamine, après ça elle rencontre d'autres morts et tout, mais on comprend que dalle. Le tueur, par contre, je trouve que vraiment gros respect, très bien écrit, hein, le personnage du tueur, une belle personnalité, pas du tout cliché. Enfin, vraiment, putain, mais c'est mais de la merde. Et ça me faisait vraiment de la peine, pas de voir Marky Mark là-dedans, ça, à la limite, je m'en branle, c'est de voir le mec qui jouait dans Les Sopranos, que j'aime bien, qui est le détective dans ce film. D'accord. Ouais, ouais. J'étais content de savoir que Sylvie Tessude avait une carrière aux États-Unis. Avant. Avant, ah bon, ouais. Petit résumé. Alors, qui résume l'histoire? Là, c'est Greg qui va s'en charger parce que l'histoire est un peu complexe. C'est complexe. Et je peux pas laisser Mickaël. là, c'est trop risqué. Là. Alors on a une petite fille qui habite aux États-Unis. Toi je pars comme Miguel. Et alors elle est rousse et elle a un pantalon jaune, hein. Non, et dans son village, bah il y a T'as un dit détraqué. Que son père faisait des bateaux. Il mettait des bateaux dans les bouteilles. Et dans son village, il y a un détraqué qui a construit une petite baraque pour sous un champ pour tuer des petites filles. Après on sait pas exactement ce qu'il fait, en tout cas, il la bute. Mais on sait pas de comment, pourquoi. Moi, je pensais qu'elle allait se faire violer et on n'a même pas vu. Ça, on sait pas. J'étais vraiment déçu. Je crois que si elle est pour ça, je m'en chantais à la limite. Mais là, je crois que ça, quand j'avais vu le résumé de la jaquette, je me suis dit, ah, enfin, mais... avoir du viol. Mais j'ai pas vu la scène de viol. Non, je crois que c'est un film pour enfants, c'est pour ça que. Bon, bref, en tout cas, elle est morte. Et en fait, scénario très original, elle est pas vraiment morte. Du coup, elle va rôder. Même si elle a aucune interaction, enfin, ou très peu d'interaction avec le monde réel. Bah, et on va chercher. À un moment, elle fait de la poterie avec son ex. Ouais, c'est vrai. Et on va chercher qui est le tueur, parce qu'évidemment, on trouve jamais son corps. Et toute sa famille est dévastée par cette mort-là. Et elle tourne en rond dans l'espace. Dans l'entre-deux mondes. À un moment, on va mettre un nom sur ce monde. L'entre-deux mondes. Qui se situe visiblement entre le parc national des Pyrénées et la côte basque, quoi. J'ai reconnu les paysages, quand même. Il y a un peu d'avatar aussi. Et finalement, quand le méchant va mourir, et ben, tout le monde va être content. Je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà. Toi, tu t'étais attaché au méchant. Hein. Bah, franchement, à la limite, c'est le plus cool du film, quoi. Je suis désolé, mais. Ouais. Alors, le film s'ouvre sur une introduction très chiante avec... Bah, ça se finit sur une conclusion très chiante aussi. Hein, en fait, au début, je pensais que ça allait être que le début, mais parce que j'ai écrit... Le premier mot que j'ai écrit, c'est écrit chiant. Donc, c'est une sorte de résumé, une synthèse de ces 14 premières années en... En voix off, en plus. En 2-3 minutes, en voix off. Alors, la voix off, elle va jamais s'arrêter. Hein. Elle est morte, donc tu dis ça va s'arrêter à sa mort, mais non, ça continue. Ouais. Alors, c'est marrant parce que sa daronne, elle a 30 ans, alors à 30 ans tout le film. Ouais. Genre à la naissance de la fille, elle a 30 ans, et alors après, une fois que sa fille a 14 ans, elle a 30 ans. Ouais, mais il y a un problème, il y a un vrai problème avec les âges. Ouais, parce qu'en fait, la fourchette, elle est très faible entre les vieux et les jeunes. En fait, je pense que tous les acteurs ont entre 35 et 37 ans. Et en fait, le pervers, il est pas si vieux que ça, et la jeune, elle a l'air d'avoir 35 ans, quoi, alors qu'elle est censée être au collège. Et puis son mec, c'est pareil, son mec, il a une scène avec la gamine, elle a 14 balais, ils vont se galocher, mais lui, il a clairement 30 ans. Et là, déjà, on a un premier trauma hein, dans sa vie, puisque son petit frère va avoir un accident, il va avaler un objet, je crois. Ouais. Alors, déjà, je crois que c'est un Skittles. Déjà, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que pour voir les années, pour mettre en scène les années qui passent, c'est-à-dire qu'on voit la table de chevet de la mère avec la photo de la gamine petite, le premier bouquin qu'elle finit, qu'elle pose, et ensuite on voit la gamine grande avec une montagne de bouquins, c'est-à-dire que la meuf, quand elle finit un livre, elle le met à côté de son livre, elle l'enlève jamais. Et surtout, ça va, en 15 ans, elle a lu 3 livres. Non, mais c'est surtout, surtout que ça prend les acariens, ces trucs-là. Et pour illustrer les années qui passent, c'est-à-dire qu'elle change de photo, la photo de la fille change, c'est-à-dire que tous les ans, la mère, point d'honneur, a changé la photo annuelle. Genre, bon, bah, ça y est, on a refait le portrait, le 1er janvier, je change la photo. Et la gamine, elle est précurseur en selfie. Tout début. Elle est photographe, c'est un point important. Hein. Ouais. Et donc, elle a une vie d'ado classique, c'est-à-dire qu'elle va au club vidéo de son lycée, donc elle est un peu considérée comme une nerd. Du coup, c'est un peu la honte, sauf qu'il y a quand même le Mika de Bollywood qui va tomber amoureux d'elle. Ouais, d'ailleurs lui, en fait, elle a 14 ans et pour le coup, le Mika, il a vraiment l'air d'avoir 30 ans, quoi. Ça marche pas du tout, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça marche pas, quoi. L'autre, il lui fait des trucs. Mais dès le début, il attaque Sérénade. Salut, Suzy. Salut, Ray. Comment t'as trouvé le mort ? Qui ? Othello. Oh! Ben, j'ai... c'était impressionnant. Oui, c'est vrai, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'adore cette pièce. Encore une chose que nous avons en commun. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons d'autre en commun? On est tous les deux aussi chiants. Ouais, après, faut quand même dire que c'est le mec qu'elle kiffe en secret, tu vois. Bah oui. Ouais, qui est en terminale, elle est en troisième. Lui, il est tellement louche que je me suis dit qu'il allait avoir un twist à la fin et c'était lui le tueur ou un truc comme ça. Quoi. Tellement le mec était bizarre quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est ultra bizarre. Ouais. Mais d'ailleurs lui en fait il est dans l'entre-deux mondes tout le temps aussi. Hein. Moi je me pensais qu'à un moment il était mort. Enfin, j'en sais rien en fait. Je peux pas savoir quoi. Mais je crois que après il se lance dans la musique et il fait des disques sous le nom de Laurent Voulzy. Moi j'avais plutôt relax de Mika mais. Ah oui. Oui. Alors Marty Mark, lui sa passion c'est au-delà d'avoir des filles c'est d'enfiler des bateaux dans les bouteilles. Ouais, ouais, c'est d'origine bretonne, ça. Et il dit bien à sa fille, non, mais c'est très important d'avoir des passions dans la vie, ça te fait découvrir d'autres choses. Bon, on va savoir ce que ça lui apporte d'enfiler des bateaux dans des bouteilles. Bah, bon, en cas, pareil, il va perdre deux gamins parce qu'il a perdu un petit frère et ensuite il va perdre. Mais non, il est pas mort, le petit frère. Ah oui, ça. Ouais, pour passer loin. Bah, enfin, maintenant. Pas passer loin de là, moi. En tout cas, enfiler des. Ça, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'enfiler des bateaux dans des bouteilles, ça t'empêche pas de perdre ta fille et de pas la surveiller quand elle va avec un des glingos dans un champ. Vous voyez le danger d'avoir une passion. Donc, ne vous attachez à rien. Personne. Surveillez plutôt vos enfants. Puisque toi, tu fais des cités médiévales en allumettes. Il a fini Carcassonne la semaine dernière, Antoine. Pas de ça, franchement, c'est un sujet sensible. C'est pas drôle. T'as vu Hoche en cure-dent que j'ai fait? Et alors, la rencontre avec le tueur, donc c'est un mélange de Emile Louis et de Ryan Gosling. Ouais, qui est au chômage. Hein. Lui, le mec, il fait rien. Ah oui, alors, tueur, c'est chômage. Ça, t'as pas le choix. Hein. Chômage, mais pourtant, c'est un boulot à temps plein. Hein. Il a une fausse moustache. Tu construis des maisons de poupées. On voit bien que c'est un postif. Tu vois bien parce qu'à un moment, il a la lumière. Chez toi, t'allumes jamais la lumière. Et souvent, tu te mets sur le parvis de ta baraque, les bras le long du corps, ouais. À regarder les protagonistes du film dans les yeux. Ouais. avec un bruit de Scheim. Pour bien montrer que t'es bien chelou. Ouais, et surtout, évidemment, tu fermes tes rideaux toujours à la même heure. Ah ouais, ouais, non, il met un réveil pour ça. Hein. Non, mais là, c'est vraiment genre le tueur chelou à l'extrême. Ouais, non, ils ont pas mégoté sur tous les clichés du mec chelou. Hein. C'est clair. Déjà, physiquement, ils ont fait la totale. Hein. Franchement, ils lui ont mis les lunettes de déglingos, la moustache de déglingos, les fringues de déglingos, la gueule de déglingos. La totale, quoi. Puis après, évidemment, toutes les attitudes, comme on a vu, quoi. Premier plan, parce qu'il a flashé un peu sur notre amie Suzy. Ouais. Et elle a dit, bon, comment je vais capturer Suzy? Je vais faire un petit chemin de Skittles. Alors, il a d'ailleurs fait ça, ça a pas marché. Voilà. Première tentative, ça, ils l'ont compris. Il l'a fait, il s'est retrouvé avec un extraterrestre plastique chez lui, il fait merde. Bon, il l'a tué, mais personne ne le recherchait, donc ça allait. Il y a du mucus partout. Un pilon d'heure. Il a pas fait long feu, hein, lui, je préfère te le dire. Il fait chier avec son téléphone et sa maison, je comprends rien, là. Non, il a une idée. Et au lieu de réaliser son idée, tu sais, genre, parce que son idée, en fait, c'est creuser une espèce de cabane sous la terre. Donc et c'est un stylé, truc, hein, son truc. Il va d'abord la dessiner dans un petit calepin pour qu'un jour, on retrouve ce calepin. Ouais, ouais. C'est pas très prudent. Et sachant que son plan sur le calepin, ça n'a aucun sens. Il trace la ligne du sol, il fait une cabane en dessous, il fait une flèche, 3 mètres. Ouais. Waouh. Bah non, putain, heureusement que t'as fait un plan, parce que sinon, tu serais arrivé sur place, t'aurais pas pu le creuser. C'est pour montrer les plans au vendeur du Roi Merlin. Tu l'achètes le matos. Et surtout, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on le voit arriver avec sa pelle dans le champ. Alors, c'est le champ qui est traversé par les étudiants quand ils rentrent du bahut. Hein. Il arrive, il y a un plan où il arrive avec sa pelle. Et ensuite, le plan d'après, il a une cabane qui fait 2 mètres de hauteur en interne sous le sol avec tout est construit. Non, mais et personne l'a vu creuser. Non, personne l'a vu creuser. Creuser ça à la pelle. Non, mais creuser ça à la pelle, je peux te dire qu'à la fin, déjà, t'as les épaules de The Rock. Et puis surtout, t'as vieilli de 15 ans parce que, c'est non, mais non seulement il a creusé tout ça à la pelle, et en plus, il a dégagé toute la terre. Parce que, c'est vrai. Il n'y a pas de tas de terre à côté, donc. J'ai pas pensé. Alors, il a sûrement une brouette pour aller foutre ça plus loin et l'étaler discretos, quoi. C'est comme dans La Grande Évasion, il le cache dans sa chaussette. Il va taper sur le terrain de baseball, tu sais. Surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a pas un agriculteur éventuellement propriétaire de champ qui se dit, il y a un mec qui a fait un salon sous mon champ de maïs, quoi. C'est clair, c'est-à-dire qu'à mon avis, il l'a fait clairement en 2 semaines pour éviter d'essayer d'attendre que ça pousse repéré, et qu'il y ait la récolte parce que l'agriculteur il passe dedans, il tombe dedans et bon c'est encore un mort en plus sur le dos quoi. Bon globalement il est pas trop inquiété le déglingos quoi. Non. Et puis ça arrive, Suzy elle rentre de l'école. Elle passe par le champ de maïs. Chemin habituel par le champ de maïs, c'est-à-dire qu'elle a pas vu que 2 semaines avant il y avait un vieux man au et là par contre le même qui reste planté devant chez lui les bras le long du corps. Et là par contre le man au fou lui dit tu veux voir un truc? Alors, en plus, il sort de nulle part, le truc qui fait trop flipper de base. Non, mais en plus, il est dit, tu veux voir un truc? Bah, non, mec. Non, je veux pas voir ton truc. Excuse-moi, mais t'as le déguisement du pervers tueur, donc évidemment que je veux pas voir un truc, quoi. Et il l'emmène dans la cabane de l'horreur, et là, elle fait, waouh, parce qu'au début, elle est un peu emballée, elle fait, Wow, c'est stylé. Bah c'est vrai qu'elle est trop stylée cette. Bah gamme. Ouais non mais moi, bah, je suis dedans, moi je suis dedans avec Emile Louis, je dis pas que c'est stylé, je fais. Et là il... alors deux semaines il a quand même vachement bien aménagé parce qu'il y a quand même le wifi, il y a le chauffage au fuel, enfin tout tout quoi, il a tout installé le mec. Non, ça c'est vrai, on dit qu'il est chômeur, mais bon, bah, en attendant, il chôme pas. Hein. Donc, j'ai installé une sorbetière, tu vois, c'est vrai. Tu veux que j'allume la fontaine a fondu au chocolat. Et donc là, il y a une tension de 25 minutes. Je l'ai construite pour les jeunes du coin, je me suis dit qu'ils pourraient s'en servir comme club de rencontre. Je sais pas. Tu veux être la première à l'essayer? Vous croyez? Oui, oui, bien sûr, oui, descends. C'est sympa. Vas-y. Vas-y. Voilà. Waouh. Waouh, c'est géant. Voilà, donc là, ça va virer Choco, parce que une fois que c'est à l'intérieur de la cabane, c'est plus la même. Et plus aussi sympa. C'est plus le même soda fruité, hein. Tu là, te rends compte quand même que les parents, on fait quand même des films où les parents ont des rôles de merde, quoi. La gamine, elle a 14 ans, elle rentre pas du lycée, on s'en fout, on se met à table quand même. Elle est au ciné-club, elle va au ciné-club, elle va voir Othello au ciné-club. Ouais, enfin bon. Ouais, parce qu'on n'a pas noté que la musique est insupportable, elle est non-stop non-stop tout long. Et ça vire entre piano, atmosphère, musique flippante et réverb sur les voix des morts et des réverb tout le temps. La réverb elle a bien chauffé hein, sur ce micro. Le mec il l'a pas acheté pour rien. Il a pété deux réverb. Mais en plus là, alors, dès que c'est des scènes un peu tristes, c'est des petits doigts qui s'écrasent sur un piano droit pour faire des accords un peu tristes qui descendent, mélancolie et tout, ça ne s'arrête jamais. C'est en accord mineur. Et alors, oh, terme technique. Et alors là, elle arrive à s'enfuir, parce que là, il va commencer à lui agripper la jambe et tout. Alors, procédé de mise en scène, Julie serait là, elle nous expliquerait comment ça s'appelle, parce que je sais même pas si ça a un nom, mais elle arrive à s'enfuir, mais en fait, non, c'est déjà un fantôme. C'est là où je suis déçue et que je comprends pas comment elle est morte. Oui, c'est vrai que ça va un peu vite, quoi. Bah oui, parce qu'elle s'enfuit de la cabane et ensuite. Ça fait un peu comme les enquêtes impossibles de Pierre Belmar, quoi. Tu sais pas comment elle meurt. Il n'avait pas tout montré, hein. Je pense qu'il a mis un coup de poil derrière la tête. Et voilà. Un coup de poil dans la nuque. Et alors là, ça commence. Je crois qu'il l'a empoisonné, en fait. Hein. Ça a duré deux semaines. Ouais, là, ça commence, c'est le début de la fin. Parce qu'à la limite. Au début, bon, t'as une famille et tout ça. Enfin, tu vois, t'as une vie réelle, c'est déjà un peu chiant. Mais là, carrément, ça step up carrément. Et elle arrive dans un monde en 3D, bleu, ultra moche. Ouais. C'est genre Second Life, mais. Oh non. Attends. Elle oscille parce que tout au début, elle est dans le monde réel, mais sauf qu'il est bleu et il y a personne qui est dedans. Il y a du brouillard. C'est elle. En fait, elle est un peu dans notre monde, mais juste, elle est dans une dimension parallèle. Je sais pas comment on peut dire. Et dans un plan astral différent, voilà, c'est ça le mot que j'avais. C'est un monde bleu. Et ensuite, elle va rentrer dans sa maison. Et dans sa maison, il y a vraiment le cliché de la porte au fond du couloir, à l'étage, avec de la lumière blanche en dessous. Ouais, dans tous les films d'horreur. Elle revoit sa maison, elle revoit ses proches. Mais c'est le moment, c'est juste après qu'elle meurt dans les chiottes, après avoir foutu la drogue dans les chiottes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça donne vraiment deux façons de traiter un film sur la mort et sur les fantômes. Hein. Je préfère la version de Gaspard Noé, il y a plus de cul quand même. Hein. et alors là, derrière la porte lumineuse, il y a déjà une première énigme, si vous voulez vous amuser à essayer de comprendre ce qui s'est passé, où il y a une baignoire toute crado avec le tueur dedans, et puis c'est un peu une allégorie, machin, et tout part en poussière. Enfin bref, c'est déjà, tu comprends qu'il y a FX 2000, là, il y a eu grosse facture. Ouais, c'est pareil, ça a chauffé. Hein. Là, je peux te dire que le truc qui processait les modèles 3D, il a rendu là, c'était galère. Et du coup, sur la fin, dans le paradis, on enlève un peu des détails parce que ça mouline trop là. Et en même temps, c'est Peter Jackson. Et ouais. Il a les moyens. Bah, félicitations. Hein. Félicitations, Peter. Ah oui, ça, bravo. Et donc, elle a disparu. On ne sait pas où est le corps. C'est ça la nuance, c'est ça qui est important. Et du coup, là, le tueur, gros ménage chez lui parce que les flics, ils vont arriver. Ouais. Donc là, il y a un interrogatoire. Il y a un peu un bail du collier, là. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, quoi, ça, c'est, ouais, je m'en souviens. Petit bracelet, ça... Le bracelet que j'ai appelé le collier au 9 zoom. Parce qu'en gros, alors, ce subtil effet de mise en scène, peut-être que tu peux le raconter, Greg. C'est-à-dire que toutes les deux secondes, t'as un gros zoom sur la photo. La photo est sur le bracelet qui est sur le bracelet, de la petite, mais c'est vraiment trop, quoi. Au bout d'un moment, une fois que t'as fait 4 fois le zoom, que tu l'as vu à travers, à travers la petite maison là qui visite, là, enfin la maison. Bon, bref, je comprends rien. Bon. Donc ça, c'est vraiment pour les mecs les plus lents qui auraient pas compris, tu vois. Genre au bout du 4e zoom. Oh, il y a le collier. Non, t'as pas compris que c'est un bracelet. T'avais pas vu? Oh non. Et alors donc voilà, donc attention, tension totale. Enfin, en même temps, tu vois, si t'es un bon flic, je suis désolé, mais il y a 5 personnes qui habitent dans ce village. Il y en a un, c'est un déglingo. À chaque fois qu'il passe devant sa baraque, il est droit comme un piquet. Il a une moustache. Enfin, il a tous les attributs du déglingo. Au bout d'un moment, tu dis bon, bah c'est lui. On va chercher un petit peu. D'autant plus que, bah en fait, la fille, elle est dans un coffre-fort, quoi. D'autant chez plus lui, quoi. Ouais. D'autant plus que on a retrouvé, puisque le plan d'après, ils sont dans le champ avec tous les flics dans le champ et tout, donc ils savent très bien où est-ce que la fille, elle a été soit tuée, soit torturée, soit machin. Mais personne ne se dit ah mais il y a des empreintes digitales. Ah mais il y avait l'autre timbré là, ça fait 3 semaines qu'il creuse, c'est peut-être lui non. Surtout chez lui ça a pu hein. Je me demande s'il a pas l'extraterrestre en plastique. Et alors là la fille elle est au paradis. Enfin ou alors là elle est vraiment dans l'entre-deux-mondes. Ouais. Et alors l'entre-deux-mondes qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo tous les paysages réunis dans une compilation 3D. Tu sais, on dirait les pochettes de musique relaxation que t'achètes à Carrefour. Ouais. Paradis 2003D.com. New Age Paradise. Mais j'avoue, mais c'est vraiment un truc, c'est une smart box relaxation, son machin, mais c'est à tous les paysages, mais c'est dégueulasse. Ouais, et en plus, tu sais, t'es un peu tout seul et il y a des mômes qui sont là, donc elle rencontre des mômes et les mômes lui disent, tu sais, ils sont ultra énigmatiques, ils lui disent, ah mais tu ne sais pas encore. Et toi si t'es là, toi tu sais plus que elle. Donc c'est-à-dire quoi? Genre pourquoi tu saurais plus qu'elle? Ça sert à quoi de pas lui dire, connasse? On a tous envie de se casser de ce monde. On a tous envie. Là ça fait déjà 2h10 de film. Il faut y aller là. Il y a des fois où ils leur font tu es bientôt prête. Prête à quoi? On comprend rien. Non, on comprend que dalle. Et surtout elles sont prêtes à quoi? Parce qu'elles sont pas encore au paradis. Ouais, c'est ça. Non, c'est ensemble. Ça. C'est après ça, elles ont compris pourquoi elles sont encore là quoi. Alors, visite du monde par FX2000. Après, on a les bouteilles. Alors ça, oh, quelle belle image. Ah, les bouteilles, là, c'était chaud. Juste là. Un petit détail par rapport au paradis. En fait, quand tu te fais assassiner, tu gardes au paradis toutes tes fringues. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas se faire assassiner en slip ou en costume SM, quoi, parce que du coup, tu restes en slip pendant tout ton passage au paradis, quoi. Ouais, ça fait chier, ouais. Puis c'est plus cool de mourir vers 14 ans, parce qu'en fait, t'es un peu tranquille, mais parce que t'imagines le vieux zinzin qui meurt à 80 balais, tu sais. il est au paradis avec des fringues dans lesquelles il s'est chié dessus. Et alors là, l'allégorie des bouteilles qui se brisent. Les bouteilles, elles sont ultra moches, hein. Pour le coup, c'est vraiment très, très, très, très alors, moche. Mais c'est quelles bouteilles qui se brisent? Alors, c'est les bouteilles de Marky Mark. Et en fait, Marky Mark, dans la vie réelle, il est en train d'éclater ses bouteilles de rage. Mais oui. Et là, les bouteilles arrivent sur la côte basque, elles se brisent. Et du coup, ça l'attriste. C'est magnifique. Et alors, qu'est-ce qui manquait? Il manquait une vraie musique de merde avec des vocals et tout, genre vraiment la vraie musique pour faire un clip de merde dans l'entre-deux-mondes. Ça dure 4 minutes avec la voix de meuf et tout, mais c'est une espèce de pause musicale extrêmement agaçante. Là, elle rencontre déjà 2-3 potes, hein. Il y a Pocahontas, ouais. Ouais, ben j'ai bien mal dit. Arrête de manger du chabalot pour les enregistrements. Ouais, il y a Pocahontas. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a un montage genre on s'amuse trop au paradis? Oui. Alors là, elles font un paré-traction le machin, quoi. Ouais. Elles font de la luge, enfin c'est montage, genre on s'éclate au paradis, quoi. Ah, putain, j'ai fait avance rapide à ce moment-là. Elle mange des pommes d'amour, elles font de la luge et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle rigole. Qu'est-ce qui se passe? Et puis 2 secondes après, ça devient l'enfer, quoi. Genre attention, les bouteilles se brisent. Bon, ça c'est franchement, c'est vraiment nul, quoi. Alors c'est aussi, alors à un moment elle le dit dans son monde, elle fait. Ah, et en fait, elle se réveille dans son monde en disant, j'ai fait un rêve. C'est-à-dire qu'elle tu peux rêver dans ce monde, quoi. C'est Inception, quoi. Tu peux faire un rêve. Mais ton rêve, parce que non seulement tu rêves dans ce monde, mais tu dors déjà dans le paradis. Mais si t'as pas de logement, t'es quand même SDF dans ce monde-là. Parce qu'elle dort dehors, là. Elle dort sous l'espèce de Porsche. Ouais, ouais, bah. Ouais, petit casque à musique, là. Ouais. Bah d'ailleurs, pourquoi foutre un kiosque dans la forêt, quoi? Au bout d'un moment. Mais non, mais là, c'est parce qu'elle avait une date avec. Avec le latino, là. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui, encore? Le latino, il lui a parlé 2 fois avant qu'elle crève. Au bout d'un moment, il tourne la page, lui aussi, quoi. Une fois, oui, merci. Il lui a écrit un poème. Attends, il est déjà in love. Et alors là, il va se passer un truc dans le monde réel, pour le coup, qui n'a... Enfin, je sais pas que ça n'a pas de sens, mais j'ai pas du tout compris. Il y a Mamie, rock'n'roll, qui vient à la maison. Ah oui, ça, c'était trop bien. Catherine Deneuve. Bah, non, mais... Ouais, c'est vrai, un peu. Et alors là, c'est LOL à gogo. Il y a un montage, montage rigolo où elle va faire le ménage. Hop, ça s'enflamme dans la cuisine. Oh, j'ai renversé la machine à laver. C'est un peu, c'est un peu une nous donnant, Et puis colle et clope sévère hein, quand même. Non, mais là, je vais expliquer ce que ça vient foutre là, ça vient foutre là, quoi. Alors déjà que tu te tapes une scène dans, de paradis là qui dure 3 heures où tu craques et après t'enchaînes sur Benil, mamie rock'n'roll. Mais écoute, moi, c'est ce que j'ai préféré dans le film, donc heureusement qu'ils l'ont mis. Ouais, si tu veux, mais enfin bon. Ouais, bah, dans ce cas-là, tu peux mettre une course de vaisseaux spatiaux. Ah, j'ai pas aimé, par contre, au milieu, les vaisseaux spatiaux, c'était pas mal. J'ai pas bien compris le thème. Mais là, mais bon, c'était bien. Hein. Ah non, c'est chouette quand elle gagne la course. Il y a une scène qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, Mark Wahlberg, en fait, il veut résoudre l'affaire lui-même et il fait des suggestions au flic. Donc il y a un flic qui vient, il dit oh, ce mec-là, il est chelou, il faudra peut-être le surveiller, ce mec-là, il est bizarre, vous faites mal votre boulot. Et puis t'as le mec qui dit ah, par contre, occupez-vous de votre femme comme il faut, on sent qu'elle est sur les dents. Mais changez vos rôles, en fait. Non, mais surtout, en plus, le flic, il dit pas, bah, tu sais que toi aussi, t'es un peu déglingo avec tes putains de bateaux en bouteille, là. Et du coup, la mère, elle en peut plus. Elle craque et elle part faire les vendanges. Ouais, elle part faire les vendanges, exactement. Mais ça n'a aucun sens. Bah, elle veut faire la polée, quoi. Elle veut faire la fête. Non, en plus, après, on la voit aux vendanges. Et là, pareil, on a l'impression qu'elle a 25 balais. Elle oublie totalement son autre fille. Enfin, tu vois, ça n'a, mais... Non, mais c'est pour ça qu'en fait l'adaptation du livre, si tu fais moins de 2h15 et que tu raccourcis toutes les scènes, c'est-à-dire que tu comprends que dalle, t'es au paradis, là t'es au vendant, t'es au machin, ça sert plus à rien quoi. Heureusement que ça, enfin d'un côté ils avaient pas le choix, ça doit durer 2h15 quoi. Alors un mini point, malheureusement. À un moment la petite sœur, elle promène le chien. Et le chien, lui, il a senti qu'il s'est le tueur. Ouais, le chien. Bah, les chiens, ils ont ça. Ouais, les chiens, ils ont ça. Il sait que c'est la maison du tueur. De toute façon, c'est pour ça que les flics ont des chiens toujours. Hein. Parce que c'est, ils repèrent les tueurs. Les chiens, ils sentent les tueurs. Et alors, nous aussi, on sait un peu que c'est le tueur. Parce que dès qu'on passe devant sa baraque, bah, il est tout seul, les bras longs, il se balance deux d'avant en arrière. Il y a toujours la petite musique stress qui est là. Et si jamais il est pas à l'extérieur de sa maison, qu'il est à l'intérieur, si tu passes devant, il va te regarder à travers les rideaux en reculant. Ou alors petit il est peu. Dans sa voiture, il te regarde dans le rétro. Oui, assis à ne rien faire. Et là, ils vont pas le retrouver puisque tu as une ellipse. Nous sommes 30 mois plus tard. Et ils vont, parce que là, il y a tout un bail où ils font développer les pellicules de sa fille qui est morte et tout. Alors, au lieu de tout faire développer d'un coup, il va développer une fois par mois, au cas où il y a un indice qu'on s'en rende compte dans 2 ans. Voilà. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que de son vivant, il ne voulait pas le faire. Et là, une fois qu'elle est morte, là, il va tout développer d'un coup. C'est quoi. Ça, attention à la facture, quoi. C'était 24 pellicules, t'imagines? Ah, il compte plus. En même temps, il a fait des économies. Justement, il le fait vraiment une fois par mois. Ouais. Il le fait vraiment une fois par mois. Mais t'as vu le prix chez Kodak aussi? Donc il le fait, et donc évidemment, c'est la dernière pellicule où il y avait un indice sur le meurtrier. Bah, c'est bien con, t'aurais dû tout faire développer au début, connard. Et c'est quoi qu'il y a sur la dernière pellicule? Hein? C'est quoi? Le méchant monsieur. Ouais, mais on voit pas son visage. Non. Ouais. Mais bon, il sait qui c'est en même temps. Il sait parce qu'il était là. Mais non, mais en fait, je vois pas. Il y a aucun indice. C'est le voisin. C'est ça, c'est le voisin. Mais c'est Mike. C'est le mec qui habite en face. Mais non, mais il y a deux baraques, de toute façon. Quand il propose des suspects aux flics, il fait un voisinage. Et juste, il pense pas à lui et il se dit putain, c'est le dernier voisin qui. Putain, c'est vrai que j'ai pas pensé à lui, il est drôlement bizarre maintenant qu'il pense. C'est vrai qu'il a toujours été chelou, le voisin. T'sais, il construit des maisons pour les petits-enfants alors qu'il a pas d'enfants et enfin, il est vraiment chelou quoi. Ouais, c'est pareil, le flic il dit rien là-dessus, tu sais, genre. Et alors là, Marc décide de se faire justice soi-même. Aux États-Unis, tu peux. Ouais. Tu peux si tu le fais bien et vite. Bah nous, on le conseille aussi. Hein. Ouais, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des enfants qui sont martyrisés à l'école, allez tabasser les mecs qui touchent à vos enfants. N'hésitez surtout pas. C'est autorisé par la loi, si c'est de la défense. Et du coup, il y va à la batte de baseball, hein, Marc. Hein. Ouais. C'est pas un plaisantin. Attends, surtout qu'il va à la batte de baseball contre un serial killer dans un putain de champ de maïs, il est sûr d'y passer, quoi. Mais c'est vrai qu'il est con, son plan, quoi. Ah, de nuit, je vais l'attaquer dans le champ. Le mec, c'est un timbré en face. Il se fait débranler, en fait. Bah oui, mais en plus, même. Mais il se fait débranler par qui, explique. Ah, par un couple. Alors oui, parce qu'il y a un couple, en fait, qui va faire la chose dans un champ de maïs régulièrement. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, hein, même de nuit. Et en fait, le pervers va les espionner régulièrement. Hein. Et du coup, toujours en fait, un jour, du corps. Mark Wahlberg, du coup, suit le pervers dans le champ de maïs et il se fait casser la gueule par le mec du couple. Ouais, il se prend une bonne dérouillée. Hein. Ouais, c'est-à-dire que le pervers, il y a les 74 fois, il s'est jamais fait chauffer. Par contre, Wahlberg, il y va une fois, pas de bol. Hein. Et alors l'autre, il va manquer de le tuer, quoi. Carrément. Puisque c'est le quarterback de l'équipe, évidemment. Bah oui, forcément. Mais il est un peu sur les dents, hein, parce qu'il n'avait pas dû le faire. Il était tendu. Il fallait qu'il fasse. Et alors là, du coup, en parallèle, notre amie Suzanne, donc comment elle s'appelle, Suzy, dans son monde parallèle en 3D, elle va rencontrer plein de gamines sous les arbres et c'est drôlement énigmatique. Je viens m'asseoir là presque tous les jours. J'adore écouter les bruits qu'il y a ici. Est-ce que tu as vu Oli ? Cet endroit, elle ne t'en a jamais parlé ? Si. Alors tu es sûrement prête. Je suis Flora Hernandez. Les autres vont bientôt arriver. Voilà, hein, donc les elles vont arriver, mais on peut pas couper la réverb quand même. Au bout d'un moment là. Avec le son là derrière et tout. Alors pour ça, pour ceux qui savent pas, les autres, c'est les autres victimes du voilà. tueur. Bah, parce c'est là où on se rend compte que c'est un serial killer. Ouais, on se rend compte que la police est drôlement nulle quand même. Et alors ça n'a aucun sens. Enfin, pourquoi machin Hernandez là? Pourquoi est-ce que t'es énigmatique? Ouais, non, pourquoi est-ce que tu dis pas à toi aussi t'es la victime de ce putain de fils de pute? Non, mais lui dit t'es bientôt prête. C'est bon, t'as assez galéré dans le paradis. Une fois, à partir du moment où t'as passé 3 nuits au kiosque et que t'as été au bord de la mer, là, éventuellement, là, c'est à ce moment-là qu'on considère qu'au paradis tu peux être prête pour savoir ce qui va se passer parce que nous on attendait. Hein. En fait, elle se bitch entre elles. C'est... Non, elle me le dit pas tout de suite. C'est un peu galéré dans le monde. C'est-à-dire qu'il s'est passé avant. Alors toutes les nouvelles arrivaient et puis elles attendaient que les autres lui disent t'es bon, t'es prête. Maintenant, tu peux savoir qu'on a tous été tués par le déglingos. Et du coup, bah justement, quand elles se rencontrent, genre, elles sont trop contentes de se voir, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Elles se connaissent pas? Elles se tombent dans les bras. Genre, ah, toi aussi, t'as tué? Yes, trop bien. Et t'as tué comment? Ah, moi, il m'a mis un coup de dans la tête. Ah, ouais, moi aussi. Putain, on est trop proches, en fait. On a trop de choses à rendre. T'as fait le coup de la petite cabane dans le champ de maïs? Avec le wifi, tout ça? Et comment? Non, mais, non, en plus. Putain, mais ça n'a aucun sens. Après, elle gambade dans un champ et tout, mais c'est. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, le tueur, c'est pareil, le tueur, il tue juste une fille de temps en temps, quoi. Sinon, il est méga clean, quoi. Pas de seigle, pas d'étranglement de chaton, pas de truc méga hardcore, quoi. Tu vois, le gars, ça va. Normalement, c'est un putain de timbre. Chasse le canard, quand même. Et alors, là, il y a. Si, il le dit à mot. Ouais. Ah bon? Chasse le canard. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a tout un bail avec le corps de la fille dans le coffre-fort. Par contre, il y a un truc qu'on aurait pu mettre la puce à l'oreille à quelqu'un, c'est qu'il va dans les bibliothèques, visiblement, prendre les anciens journaux, parce qu'il découpe les articles sur ses victimes, mais avant leur mort. Non, mais en gros, tu fais une demi-perquisition, c'est-à-dire que genre, même tu vas c'est juste vite fait chez lui, même t'es même pas flic, tu grilles, il y a tout pour savoir que c'est lui qui a tué la. Il qui est filtré, tu sais. Bah, surtout qu'il y a quand même un cadre. Il y a des tableaux. Il y a un cadre sur le mur du salon, il est en train d'égorger la gamine, enfin, celle-ci. Il y a la tronche d'une des gamines empaillée, tu sais, comme un trophée de chasse. Bon, et là, bah, la petite sœur, la petite sœur s'allumait la puce à l'oreille, et du coup, elle passe. Elle va visiter la maison du tueur. Bonne idée, ça. Mais c'est. Mmh. Et aussi, justement, on se dit, c'est peut-être la prochaine victime. Ah ouais, il y a un subtil effet de mise en scène. Tu veux dire les 25 minutes de tension avec la musique qui monte en crescendo et de la réverb. Donc ouais, bah, ça réverb. Donc elle va chez lui et elle trouve sous le plancher, genre. En 2 secondes. Hein. Franchement, j'ai trouvé que c'est l'enquête. Ouais. Regarde, c'est le petit cahier interdit. C'est, Ouais, c'est son registre en fait. elle trouve le registre, lui. Il s'en rend compte, donc il pète un câble, il dit bon, vas-y, je vais la tuer. Attends, dans le registre, il y a les photos de ses victimes. T'as des cheveux, des victimes. Ouais. Ouais. T'as un herbier. Non, mais t'as vraiment tout ongles, pour l'inculper, quoi. Bah, en fait, il y a marqué dessus album souvenir des tueries des petites filles. Limite, tu sais, t'as les plans bleus, là, de Bibi Coyote avec tout le processus. Ouais, il y a tous ces plans, il y a tout. Et là, il y a course-poursuite. Ouais, il y a course-poursuite. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'autre, bah, déjà, elle saute par la fenêtre, là, elle tombe sur le dos, elle peut plus respirer. Sauf au moment où là le déglingo arrive et qu'il est vraiment à la limite, là elle se relève et bam, elle tape un méga sprint. D'ailleurs, cette petite sœur là, elle court tout le long du film, elle court beaucoup, moi je trouve. Ouais. Bah, elle est pas si gaulée que ça, hein, ça donne pas envie. Hein. Ah oui, donc, ne courez pas, hein, d'ailleurs, pour ceux qui espèrent faire. Ne faites jamais de sport. Ouais, mangez très gras. Si vous êtes en train de courir en ce moment, arrêtez-vous, allez au McDo. Là. Ouais. Et mais surtout, la course poursuite, elle est vite arrêtée parce qu'au bout de 2 mètres, il y a une haie en bois. Elle va passer par-dessus assez facilement. Et là, le tueur, il va buter contre la haie. Il fait « Ah mince, je ne peux pas la suivre !» et il s'arrête. C'est clair. Alors, qui sait, en même temps, s'il a poursuivi avec une hache, il y a peut-être moyen qu'il découvre assez vite que c'est lui l'assassin. Et revirement de situation, il se dit, bon, là, elle est clairement à 150 mètres, je laisse tomber, je vais plutôt faire mes affaires et je m'arrache. Et donc, alors, surtout quand tu fais tes affaires, que tu dois quitter ton domicile très rapidement, parce que sinon les flics vont venir t'arrêter, tu prends quelques phares et surtout tes cadres. Vous avez remarqué qu'il prend ses cadres. Il prend ses cadres. Je souligne un énorme faux raccord. Il part de chez lui à ce moment-là. Par terre, il y a de l'herbe. Enfin, on a l'air d'être au printemps, vraiment totalement au printemps. Le plan d'après, quand il arrive à la décharge, il y a de la neige partout. Grave. Et alors là, pourquoi il va à la décharge? Parce qu'il faut se débarrasser d'un coffre-fort. Mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu vois, de toute façon, c'est clair et net que t'es inculpé. Tu crois qu'en te débarrassant du coffre-fort, ça va aller moins, ça va être moins fort? Ah, le coffre. Bah, c'est-à-dire, le coffre-fort, il y a un petit indice, c'est qu'il y a le corps de sa victime. Non, mais de toute façon, c'est simple, il est cramé, c'est pour ça qu'il s'en va. Pourquoi il se débarrasse? Pourquoi il se débarrasse d'une des preuves? Bah, mec, de toute façon, c'est mort, tu y passes, quoi. Moi, je voudrais faire un point coffre-fort parce que justement. Ah oui, très important. Il arrive à la décharge et c'est-à-dire mais non, c'est pas la décharge, c'est une ferme. En plus ça, c'est pas c'est le point pas éco, ouais, ou déchetterie, n'importe, enfin là où ils comptent se débarrasser du truc, là où ils veulent l'enterrer. Et plutôt que de mettre la bagnole à côté du trou, il met la bagnole super loin. Du coup, il est obligé de filer 100 balles au gars pour faire glisser. Mais attends, est-ce que j'ai pas dit non plus pour le point coffre-fort, c'est-à-dire que au moment où il est en méga speed et que la fille est en train de courir dans la ville, lui il se dit bon, vas-y, j'embarque le coffre-fort, et vu comment il a galéré pour le jeter après, comment il a mis 4 heures à le charger dans sa bagnole, il lui a fait descendre les escaliers au coffre-fort, il s'est pas fait cramer à ce moment-là, quoi. Mais surtout vu la tronche de sa caisse, les suspensions elles sont latées, quoi, avec un truc aussi lourd. Et surtout, alors, en fait, mais pourquoi s'en débarrasser, et quel est le lien entre le corps de la fille dans le coffre-fort et elle fantôme, puisqu'il y en a aucun? Bah ouais, non. Ouais. Bah en fait, là par contre, où il a pas de bol, c'est qu'il va à la décharge pour se débarrasser du corps. Manque de bol, il y a le latino qui était amoureux d'elle, ouais, et sa nouvelle petite amie qui habite dans la décharge. Ouais, petite amie gothique, donc elle voit les fantômes. Hein. Ah, oui, elle est gothique. Oui. Non, ils font Mais t'as jamais fait une petite sortie décharge, samedi après? Dans le premier casting, c'était Whoopi Goldberg. Hein, mais non, mais c'est la fille des fermiers. Les fermiers, ils ont ouvert un trou et ils permettent aux gens de déverser leur merde. Ouais. Oui. Mais alors du coup, on n'a pas fait un point gothique parce que franchement, fallait qu'on avance. Et c'est vrai que c'est gonflant. Mais donc, il y a effectivement un personnage qui voit les fantômes dans ce film, qui est absolument sous-exploité en plus. Ouais, totalement. Elle voit deux fois le fantôme. Ouais, on sent qu'elle en parle pas. On sent qu'elle écoute Evanescence et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Elle dit ouais, j'ai peut-être trop maté Twilight, peut-être que je suis à moitié dingo, je vois des trucs, c'est peut-être pas vrai, quoi. Et alors là, en parallèle, t'as la grande famille des Dead qui sont au paradis là, avec la fille et qui gambanent. Là, ils refont la luge. Ils refont tout. Là, ils refont tout le parc d'attractions Adventureland. Et là, elle va posséder le corps de la gothique, on ne sait pas comment, et elle va embrasser son Bollywood, là. Oui. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, en fait, c'est qu'elle possède pas du tout le corps et que la gothique, elle sort avec Mika, et en fait, ils s'embrassent tous les jours, quoi. Donc, elle squatte un peu. Et du coup, elle réapparaît dans le corps de Mika, et Mika, il fait « Ah, c'est toi !» et tout, ils vont s'embrasser, et après, il va s'endormir. Bah non, c'est dommage, hein. Pour une fois que tu la voyais, non, tu t'endors comme un con. Et alors après, j'ai rien compris à la fin. Parce qu'il y avait... Si, mais je vais t'expliquer. Alors après, l'autre, il est en cavale parce que malgré tout ça, il s'est pas fait choper. C'est-à-dire ouais. Non, mais elle va au paradis, du coup, on ne sait pas. Ouais, non, elle est pas encore libérée. C'est à toute fin qu'elle est libérée. Enfin, c'est trop bizarre. Moi, j'ai pas compris. Elle ira au paradis. Y a pas de problème. T'inquiète pas pour elle. Tout va très bien se passer. Moustache, il est en cavale parce qu'en plus, il commence à avoir la beubare. Ouais. C'est ça que tu vois. Ouais. Pour ça, et en fait, il est déséquilibré par une stalactite. Ouais, ça c'est pas de chance. Oui, hein. Qui fait 2 grammes. Ouais, exactement. Et là, bam, il tombe dans le fossé. Et juste après, t'as la mère de Suzy qui rentre dans sa chambre. Et là, c'est la libération. Donc en fait, si la mère était rentrée dans la chambre 2 heures plus tôt, on n'aurait pas eu à mater ce film de merde. Ouais, c'est ça, quoi. Donc c'était un enfer de 2h10, je vous le conseille, franchement. Non, mettez-le. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à le regarder. Ça c'est régulièrement, hein, ça vous a pas l'idée. N'hésitez pas à le regarder. Hein. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. 5 commentaires, 5 étoiles. Il y a vraiment des gens qui ont adoré ce film. On commence par Lo74 qui nous dit « Peter Jackson a le don de nous transporter dans des univers tout aussi fantastiques les uns que les autres. J'ai adoré son adaptation du Seigneur des Anneaux. J'ai aussi adoré son adaptation de King Kong. Et je sens déjà que je vais adorer ce film. 5 étoiles. Peter Jackson, il fait des trucs bien quand c'est un bon livre. Mais là, quand tu prends un livre de merde, tu vas pas faire un bon film, quoi. Alors, on commence avec... Enfin, je suis même on continue. Pas sûr, hein, c'est bien. Je suis même pas forcément d'accord avec ce que tu dis. On continue le débat ou on continue le commentaire? Non, on peut parler Seigneur des Anneaux. Hein. Alors, il y a Ida Lila qui nous dit « J'ai bien aimé ce film qui reflète vraiment la réalité. » Ensuite, on a Gouise qui a... Alors, on va continuer avec Souille 2007 qui nous dit « Une claque ressort des images plein la tête, content, mais en même temps, on se dit « Punaise ! Punaise ! Ça parle de pédophilie ?» Et là, des gens viennent parler de niaiserie. Non, mais je rêve. Bon, c'est clair. Peter aurait dû montrer le viol. Il aurait dû plus insister sur la tristesse des parents. Ça aurait été peut-être un peu moins niais, non? N'importe quoi. Avez-vous déjà participé à des cours de médecine légale? Il n'est pas rare qu'entre les photos gore, le gentil médecin légiste incorpore des images niaises pour détendre l'atmosphère et la dureté du sujet. Autre chose. Ceux qui trouvent ce film niais, ils ont aimé Avatar, parce que dans le genre niaiserie, 5 étoiles. Oh, on continue avec Gouise, qui a des problèmes de narcolepsie. Je pense qu'il est narcoleptique. Il dit, franchement, ce film m'a... 5 étoiles. Le problème de s'endormir quand on fait une critique sur un ciné. Et enfin, on finit avec Jongleur 19, Ménestrel Musique. Mesdames, messieurs, damoiselles et damoiseaux, je vous présente le nouveau film quasi parfait, Lovely Bones. Oh, mais quel hasard! Le Seigneur des Anneaux est le meilleur film que j'ai vu depuis bien des années et en bien des domaines. Et merveilleux hasard, c'est le même réalisateur. Un film beau, une histoire magnifiquement bien ficelée, autant dire que Peter Jackson est le meilleur réalisateur de films à base de romans. Les acteurs sont juste très bons et l'histoire. Et pour finir, les effets spéciaux sont beaux jusqu'au plaisir extrême du spectateur, tout en étant doux et haut en couleur. Et Mark de Peter Jackson et donc du Seigneur des Anneaux de magnifiques ralentis pour clore la perfection. Bref, je n'ai qu'une phrase à dire, une seule. Peter Jackson, encore couronné roi. Voilà, c'était notre avis et celui des autres et d'un ménestrel sur Lovely Bones de Peter Jackson. C'était infernal, je pense que vous l'avez bien compris. Cette musique d'ailleurs est infernale, vous aimez? On pourrait, d'avoir une idée, on pourrait noter avec des petites étoiles. Genre là, c'était vraiment, vraiment de la merde. Ah, mais comme les commentaires 5 étoiles. Bah moi, je mets 0 étoile. Non, mais tu sais, de dire aux gens, voilà, là, tu nous as vraiment fait passer un moment de merde. Celui qui nous a proposé Lovely Bones, typiquement... Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on le remercie pas. Hein. C'est ça. Mais non, je sais pas qui c'est, mais... Si, petit internaute, tu nous as fait un extrait audio, tu ne seras pas pris. cette musique, elle est... Ouais, ça, c'est 0 étoile pour la musique aussi. Tu nous changes ça tout de suite. Voilà. Ça, c'est de la bonne musique. Tiens, le sort. C'est le moment de tirer deux films au chapeau. Moi j'ai tiré la dernière fois, donc c'est à l'un d'entre vous. Moi j'ai tiré aussi. Eh bien, allez-y, Mickaël et Greg. Allez, Greg. C'est parti. Donc je rappelle les bails du chapeau avant qu'ils tirent au sort. Si vous voulez mettre votre film dans le chapeau, un commentaire sur iTunes 5 étoiles et le nom de votre film et un petit mot gentil, et vous aurez peut-être une chance d'être sélectionné. Alors j'ai tiré. Alors Space Jam. Et Darzok qui nous a proposé ça. Je crois que c'est ça, Darzok. Alors Nickel. Moi j'ai pas le nom de l'auditeur parce que ça doit être une de nos propositions. J'ai tiré Gladiator. On va bien s'amuser. Eh bien, quant à nous, on se retrouve. Ah non, juste avant. Le concours 3615 de SFGP est maintenant terminé. Ce n'est plus la peine de participer. Enfin si, allez, vous avez encore jusqu'à demain, mais c'est terminé. Fin de semaine et on arrête tout et on va faire le choix, on va l'annoncer sans doute très bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Space Jam. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.